Alors, dans la prédication, l'expectative. Prêché le 28 février 1954. Le paragraphe 32. Le paragraphe 32. Vous aimez le prophète? Ah, gloire à Dieu. Du temps de la naissance de Jésus. C'était en un jour comme celui-ci. Où les gens s'étaient éloignés de Dieu. C'est comparable à ce que nous vivons maintenant. Quand Jésus-Christ est venu la première fois. Les gens s'étaient éloignés de Dieu. Il ne dit pas qu'ils n'avaient pas d'église où aller. Ils avaient des églises et des regroupements religieux. Mais les gens s'étaient éloignés de Dieu. Et le prophète parlait avec le garçon. Disant que ce peuple, quand il s'approche de moi, c'est par formalité. L'honneur qui me donne, c'est du bout de lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. C'est la vérité que Jésus-Christ leur a rappelé et qui s'accomplissait en ce temps-là. Les gens étaient éloignés de Dieu. Mais ils avaient des regroupements religieux. Ils avaient des endroits où faisaient du bruit, où ils chantaient un peu, ils priaient quand même, ils lisaient le parchemin, ils lisaient le rouleau du livre. Les prophètes, mais ils s'étaient éloignés de Dieu. La même situation se vit maintenant. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des hommes, des personnes assises physiquement, mais qui sont éloignés de Dieu. Ils portent le nom de frères ou de sœurs, mais ils sont vraiment loin de Dieu. Une réalité qu'il faut aussi surveiller. Dans le cadre de la circonspection autour de nous. Il n'y avait pas beaucoup de médias pour diffuser des messages. La radio, les télégrammes et autres, comme on en a aujourd'hui. Même la télévision. Il n'y en avait pas. L'unique moyen qu'ils avaient pour diffuser le message, c'était de bouche à oreille. Vite, écoutez-les maintenant. Jésus est né à Bethléem de Juda. La Bible nous enseigne que les mages ont vu une étoile lorsqu'ils étaient à l'est. Et ils l'ont suivi tout au long du chemin jusqu'à Palestine. Est-ce vrai? Solo? Eh bien, il déterminait le temps par les étoiles en ces jours-là. Voilà un phénomène qui s'est produit. Pendant que les gens étaient éloignés de Dieu, Dieu, lui, ne s'arrêtait pas dans son programme. Autant marqué par lui, il s'est mis à faire ce qu'il devait faire. Et les mages qui étaient connectés à Dieu, mieux que les contemporains de leur époque, on vit le signe bouger là dans l'espace. Et puis on m'explique, c'était trois étoiles qui étaient alignées. Une étoile représentait Sem, une autre représentait Japheth, Japheth, moi, là, non, attends, et une autre étoile représentait Cam. Alors, en étudiant le mouvement de ces trois étoiles, les mages ont constaté que les trois étoiles ont bougé et ont formé une ligne droite. Et la droite formait pointer vers un lieu. Et le lieu était situé en Palestine, dans le pays d'Israël. Oui. surnaturel. Ils se sont dit, jusque là où il va s'arrêter. Avez-vous que les mêmes étoiles qui avaient formé la ligne s'étaient placées pour les guider? Voilà comment Dieu prend le naturel et produit le surnaturel. Même à travers le naturel. Il prend les choses qu'il y a autour de nous et les utilise pour nous séniquer le sanctifier. Si nous sommes spirituels, si nous sommes attentifs. Écoutez les mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque ville à l'époque avec un petit observatoire à son sommet. Ils plaçaient une sentinelle là au sommet. Et ils annonçaient le temps grâce aux étoiles. Pendant la journée, ils déterminaient le temps par le cadran soleil. Le cadran soleil. Vous savez, quelle est-il, sentinelle sur la tour? Il demandait leur contrat. Au moins chaque ville de la terre en ce temps-là avait un observatoire au sommet. Et il y avait toujours une sentinelle qu'on envoyait là-bas au sommet de la tour. Pour voir dans Ézéchiel chapitre 33. Du verset 1 au verset 12. Vous verrez l'histoire de la sentinelle sur la tour. La sentinelle sur la tour. Alors, Israël en avait une dans chaque ville. Et chaque ville devait avoir son observatoire pour surveiller ce qui se passe autour des frontières. Aujourd'hui, à la place de l'observatoire, on a même des satellites. Et notre pays en manque. La RDC n'en a pas. Espérons qu'un jour la RDC aura aussi son propre satellite. Pour prendre toutes les images de tout ce qui se passe autour. Mais dans les troubles qui se passent à l'est du pays, le pays n'a fait qu'utiliser tout dernièrement ici les drones. Et les drones ont pris les images, les mouvements des troupes et tout ce qui s'est passé là-bas. Alors on a eu des preuves terribles et discutables. Alors que dans le communiqué de presse, on donnait toujours de communiquer dans un sens ou dans un autre. Mais la réalité sur le terrain est autre. Sans y avoir été invité ni autorisé. Là, c'est l'observatoire par les drones. Autre fois, chaque ville avait un observatoire, une tour élevée. C'est un peu comme les changeurs de l'immédiat. Vous connaissez, pour vous qui êtes à Kinshasa, le changeur de l'immédiat, comment se construit? C'est haut élevé là. Ou la tour Eiffel en France. Une construction comme ça, quelqu'un peut monter, c'est plus qu'une échelle naturelle. C'est haut, la pointe est vraiment très haut là-bas. Et on donnait à la sentinelle les jumelles, les loupes, les lunettes, tout ce qui pouvait y avoir besoin. Et une trompette à côté, s'il y a un danger, l'homme qui est monté au sommet là-bas, comme de l'échangeur de l'immédiat, et qu'il voit que vers Maloukou là-bas, il y a des troupes qui approchent pour entrer. Il devait sonner la trompette. Et toute la ville entendait le son de la trompette. Danger, danger. Ceux qui programmaient le voyage vers Brazzaville pouvaient s'arrêter. Ceux qui voulaient aller peut-être vers le Bandundu, il devait dire non. Il faut faire ce voyage pour annuler d'abord. En attendant que les conditions sécuritaires s'améliorent. Voilà exactement comment les nations et les villes fonctionnent. Je vais lire dans notre sermon quelque chose qui va nous aider à approfondir cette méditation. La seule vraie église vivante. Prêchée le 27 juillet 1951. La seule vraie église vivante. C'est là que nous voulons lire. Nous lisons du paragraphe 13 au paragraphe 18. Et quand est venu le divin fils de Dieu, tango mwana na nzambe tango yaki ne dirigeash oya botami na ngondo, il était l'agneau auquel Dieu avait pourvu. Ezalaki nde mwana na mpate o nzambe asili nde le sacrifice auquel Dieu avait pourvu. Mbeka oyo nzambe asili kobongisa Jehova Jire, Jehova Yire, celui auquel il avait été pourvu, ye oyo asili nde kobongisa. Et quand il est né, les gens de cette époque-là, de son époque, particulièrement les religieux, n'ont pas cru en lui. Parce qu'il n'était pas venu d'une manière classique. Telle que eux l'attendaient. Il est plutôt venu humblement, mais dans une mangeoire. Émailloté. Il n'y avait aucun chat à sa naissance. Comme il y en a à la naissance d'un roi. Pour les monstres, quand un roi naît, le peuple chante et jubile. Mais il n'y avait aucun roi. Personne pour chanter à la naissance de ce grand roi. Attention, votre Dieu possède le meilleur. Même là où le monde peut vous priver ce qu'il estime utile et nécessaire, parce que Dieu possède le meilleur pour vous. Si le monde t'est privé de son argent et son temps, et que tu dois vivre littéralement, souviens-toi de Dieu là-haut, prends soin de petits fardeaux, abandonne tes fardeaux, attends ton corps, laisse-le, abandonne tes fardeaux, attends ton corps, si tu crois que tu as failli, il sera très secouré. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Confie tout à Jésus-Christ. Même quand le monde te prie, c'est ce qui serait utile et nécessaire. Il a des corbeaux qui apporteront la nourriture. Il a nourri de la main au désert. Il a nourri 4000 hommes à partir de 2 poissons et 5 pains. Il est le même pour ses besoins. Je vous va jurer, c'est le titre rédempteur. Si tu crois sans défaillir, Dieu va te secourir. Nous sommes d'accord? Et c'est ce qu'il y a eu pour Jésus. Quand un roi dans le naturel naît, comme chez les Indiens là-bas, lorsque nouveau Bouddha naît, mais c'est une célébration. Il est encore bébé. Mais on sait qu'il va y se retrouver. Mais quand Jésus vient naître, toutes les nations du monde l'ont ignoré. Créateur. quand il vient naître, toutes les nations l'ont méconnu. Aucun gouvernement n'a rien organisé pour lui. Donc, à leurs yeux, il n'était rien. Mais c'est l'écriture qui prévoyait qu'il sera méprisé et abandonné. Homme de douleur habitué à la souffrance. Qui voit l'écriture s'accomplir? Même à travers ce geste-là, l'écriture s'accomplissait. Méprisé. On lui a pardonné la célébration qu'il méritait. Et les gens ont cru qu'il n'était rien. Mais le ciel savait qu'il était quelque chose. Il était la personne indispensable. Il n'y avait aucun roi, personne pour chanter à la naissance de ce royaume. Alors, mais les anges sont descendus et ont chanté auprès des bergers. Ils ont dit, dans la ville de David est né le Christ, le Sauveur. Pour moi, ça avait réglé le problème. Aucun gouvernement du monde n'était mêlé à cette célébration. Aucun service protocolaire. Pourtant, le plus grand roi qui existe, c'est Jésus qui venait de naître. Mais regardez la réaction du monde entier. Inerte. Indifférent. Il n'en faut même pas cas. Aucun communiqué de presse. Tout s'est passé dans une indifférence totale. Mais cet enfant qui était né, c'était le roi du ciel. Il est le roi sur toute la terre, comme on a lu dans les psaumes. L'Éternel notre Dieu est roi sur toute la terre. Et là où le monde a manqué de chantres, Dieu en a produit à partir du ciel. Ses propres anges sont immédiatement descendus. Ils ont rencontré les humains pour en faire des témoins. Et ils ont fait une célébration jamais vue sur terre. Même quand Moïse était né, il n'y avait pas une telle célébration. Gloire à Dieu. Dieu sait comment résoudre nos problèmes. Là où les hommes nous privent leurs solutions, Dieu possède des solutions. Mais ce n'est pas limité. Les démarches ont vu un phénomène. Une étoile. Il y avait même beaucoup plus d'observatoires en ce temps-là que nous en avons aujourd'hui. Chaque ville avait son propre observatoire. Et ils observaient le temps au moyen des étoiles. La sentinelle se tenait sur la tour de l'observatoire et observait les étoiles. Là pour contrôler le temps. On observait aussi les frontières. Vous vous souvenez comment ça disait dans la Bible? A train de demander à la sentinelle. Et elle a dit, les jours viennent, la nuit aussi. Elle observait les étoiles. Et elle savait l'heure qui était. La sentinelle. Et les ministres de Dieu sont des sentinelles établies sur la maison de Dieu. Pour vous réveiller et vous annoncer l'heure qui est. Mais, qu'est-ce qui est marqué maintenant? Cette lumière magique, comme nous pouvons l'appeler, pour que même les enfants puissent comprendre. et c'est pour le haut et la somme. La lumière mystique ou la lumière surnaturelle. Et il y a pour le mage. Il dit, cette lumière magique. Vous êtes pour le haut. Ou cette lumière mystérieuse. Et c'est pour le haut et la potable. Pour passer au-dessus de chacun de ces observatoires. Et là de l'Orient. Et il a dit, nous avons mis son étoile à l'Orient. Mais son étoile n'était pas à l'Orient. Par rapport à elle. Eux, ils étaient à l'Est. Regardant à l'Ouest. Les mages. Ils étaient à l'Est. Regardant à l'Ouest. Ils ont vu son étoile. À partir de l'Orient où ils étaient. Mais l'étoile en question n'était pas en Orient. Mais les mages ont vu l'étoile à partir de l'Orient. Étaient les mages d'Orient. Orient était la zone qu'ils habitaient. Mais aussi géographiquement qu'ils étaient là. Ils nous ont vus dans l'Ouest. Du côté du soleil couchant, les signes du Messie. La lumière mystérieuse. Les mages l'ont vu à l'état à l'Orient, mais ils l'ont vu du côté du soleil couchant. Je recherche les aigles dans la salle. Si ils sont là, les aigles de Dieu, pour saisir de quoi il s'agit. Les mages ont vu l'étoile du côté du soleil couchant. À l'ouest, c'est là. Mais eux-mêmes, les mages, quand ils ont vu pour la première fois l'étoile, ils étaient géographiquement en Orient. De leur pays natal, de leur pays d'origine, ils ont vu le signe de Dieu pour le temps. Et ce signe-là est apparu du côté du soleil couchant. Dans un temps où les gens étaient éloignés de Dieu. Et la même chose se reproduit maintenant. C'est moi, nous vivons. Même si vous n'êtes pas des mages, mais vous devez reproduire les actes de mage. Vous devez recevoir le discernement qu'avaient les mages. La vision spirituelle qu'avaient les mages. Je veux dire chacun à partir de son pays natal. Quel que soit ton lieu de naissance. Si tu attends la venue du Seigneur. Tu dois voir comme après les mages. Amen. À l'instant où les gens sont éloignés de Dieu. Regarde du côté du soleil couchant. N'y a-t-il pas un signe? Comme à l'époque là, le point vers la venue du Seigneur. Qui nous oriente vers la venue du Seigneur. Oui, à l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Je vois bien que cet ange est là. Oh, le temps pour coucher le soleil. de la fin. Remarquez, pendant que la chose est en train de vous être exposée, vous voyez le mouvement dans la salle, le visiteur non invité. Cet esprit impoli appelé Somaïs. C'est le moment que lui a choisi pour commencer à opérer. La chose qui vous est donnée, c'est une belle. Par rapport à l'heure qu'il est dans la prophétie, nous devons nous lever sur le match en voyant son signe. L'homme est du roi qui règne éternellement. Le roi d'éternité. Pour les origines, vraiment toujours l'éternité. Nous devons voir son étoile. Voir son signe, son message. Amen. Je cherche les hommes dans la salle. C'est un appel au règle ici. Moi, je vais lire et elles vont comprendre entre les lignes. Êtes-vous là? Vous allez voir. Si cet ennemi-là impoli revient, repousse-les. Quand il commence à faire progresser petit à petit, résiste lui. Il n'est pas venu faire semblant, mais tu es venu veiller. Ce n'est pas un forcing, mais c'est l'amour de Dieu. Écoutez ceci. Mais son étoile n'était pas en Orient. Par rapport à eux. Et ils étaient à l'est. Regardant à l'ouest. Vers la Palestine. Et ils ont vu son étoile. Suivez. Mais aucun observatoire, aucun historien, ni personne d'autre n'a écrit quelque chose là-dessus. Amen. Les sentinelles du coin et des parages n'ont pas vu ça. Pensez-y. Mais la chose était là. C'est parti des trois étoiles naturelles. Les trois races de peuple terrestre. La race de Japhet. La race de Sem. Et la race de Kam. Les trois étaient représentés là-haut. Et par une action surnaturelle de Dieu. Les étoiles ont bougé de leur position. Elles se sont alignées. Et la ligne formée était devenue une lumière qui se déplaçait. Et qui allait indiquant un endroit précis. Amen. Louange à Jésus-Christ. Aucun historien n'a rien écrit à ceci. Aucune sentinelle dans aucune ville ne l'a annoncé. Mais l'image est vue. C'est pour voir comment Dieu peut distinguer ses enfants. Ne pensez pas que Dieu fera de vous que tout le monde. Hein? Dieu peut vous distinguer. Dans Nombre chapitre 23. Au verset 24. Oh, qu'est-ce que Dieu dit là? Dieu dit ceci, c'est un peuple qui se lève comme un lion, une lion, et qui se dresse comme un lion, et ne se couche point jusqu'à ce qu'il aille dévorer la proie et qu'il aille bu le sang du blessé. Un peuple distingué. Nous allons au chapitre 24. Au sujet de ce même peuple. Versets 5 et 6. Qu'elles sont belles, tes tentes au Jacob. Elle demeure au Israël. Elle s'étend comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Amen. Verset 8 et 9. Dieu l'a fait sortir d'Égypte et il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Il brise leurs seaux et les abat de ses flèches. Dieu peut vous distinguer. Ya azali na nguyalo kola nzala. Ya kolia kama pote na bayini na ye. Akumuka kami kula na bango na biteni. Mpe akotobola kama ngo na makula na ye. Il ploie chez nous. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Voilà Israël. Voilà Israël. Yala ki le pola mposi. Mpele pola mposi ya mwasi. Nani akole mbelele wana? Ye oyo apamboli, yo akopambola ma. Ye oyo alekeli yo mabe, akolake la mama be. Et maintenant, voici je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Voilà. Sasa ipi na kokenda kaya pana bato nangai yaka. Na kuyabisa yo, kwa na yango bato oyo, bakosale laka bato na yo na mikolo, mikoya na sima. Verset 17. Mulungwa zomi na sambu. A 19. Kino la, zomi na libo. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre se lève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Et il est là-bas, tous les enfants de Seth. Il sera maître des dames. Il sera maître de Seir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Amen, amen. Maman, il est le col à Sikawati. Nathalie, Kassi, Penepeneté. Moto, Tokobimana Yakobu. Ben c'était la bonne chose et côté la manaï qui s'allait. il y a un être qui sortira de Jacob. Il y aura un roi qui n'est pas d'Israël et qui régnera en maître absolu. C'est la prophétie donnée par Balaam. Il dit que celui qui sort de Jacob règne. Avant d'atteindre ce roi-là, il y a un astre et un sceptre qui doivent bouger. Et Balaam a dit qu'il a vu ça, mais pas maintenant. C'est pas en son temps. Il avait vu ça, mais ce n'était pas près de lui. Il était pour des temps à venir. Et le signe prophétique vu par Balaam s'est accompli sous les regards des mages. Et pendant que ça s'est passé sous le soleil, aucun observatoire de toutes les villes de la terre n'a pu l'apercevoir. Tous les sanguinaires qui étaient prostrés n'avaient rien vu là. Seul le prédestiné ont vu. Je vous dis que Dieu peut distinguer ses enfants. Ne vous comparez jamais au reste du monde. Ne vous libérez jamais au reste des églises. Recevez la parole dans sa richesse, elle vous donne l'identité voulue par Dieu. C'est que Dieu veut que vous soyez. C'est déjà arrivé en ce temps-là et ça se répète maintenant. Je reviens à ce que disait Frère Branham. Très profond pour chasser ton sommeil. Parce que vous avez un groupe de prière. Vous devez venir faire beaucoup de bruit avec des maracas. Pour que le sommeil prenne fin. La parole est notre rabbin. Amen. Si c'est le cas dans votre cœur, la parole va vous réveiller. Quand la pression du sommeil vient, c'est un paravent, est-ce que la parole qui s'oppose? Ce dont nous parlons est plus important que la somnola. C'était la boussole à laquelle Dieu avait pourvu. Écoutez. Et il se faisait que ces hommes étaient des descendants de Cam, de Sem et Japheth. Donc, les Arachètes ne sont pas trouvés. Et Sem. Quand les trois étoiles qui représentaient chacune de ces races se sont alignées, eux aussi les mages se sont alignés. Il y a eu un alignement céleste et en même temps un alignement terrestre. Il y a un Dieu qui est Seigneur du ciel et de la terre. Il est servi là-haut, il est servi ici-bas. Il peut assurer une parfaite coordination entre les cieux et la terre. Et voilà ce qu'il a fait. Les étoiles là-haut bougent sa ligne. Et celui qui va bouger sa ligne. Et quand l'étoile là-haut commence à se déplacer, sans nous autres pour les voler, va nous passer. Et celui sur la terre commence le voyage. La symbiose entre le ciel et la terre. Voyons qu'il est là, là, dans ma Dieu identifié dans ses caractéristiques. Au temps de la fin, j'attendais la table à souffrir. Il était parmi l'astronaute encore. Amen. Voilà qu'il est là, nous avons passé la vie. C'est la même colère de feu. Qui doit diriger le Christ. Amen. Je recherche les aigles dans la salle. Quand nous lisons, eux comprennent entre les lignes. Une vie qui ne suit pas la colonne de feu chaque jour, dit Frère Branham, est indigne de cet évangile que nous prêchons. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Toute vie. Bon, il se dit chrétien. Un homme ou une femme. Un jeune ou un adulte. On va suivre la colonne de feu chaque jour. Et ça va être à chaque instant. Et il y a les yeux fixés sur Jésus. Et qu'il l'amène à la possession. Ne le perdez pas de vue. Qu'il n'échappe pas de vos regards. Que son esprit soit permanent devant vos yeux. Que son esprit soit constamment présent devant vous. La personne à laquelle Dieu a pourvu. Qui aime cette vérité, secouez ce qui dorme là. Regardez là-bas derrière. Assez, je pose. Voilà. Réveille-toi, mon ami. Il n'y a pas de pause à prendre ici. C'est ça. Alors, je vais présenter ici. Il se faisait que ces hommes étaient des descendants de Sem, Cam et Japheth. Les trois fils de Noé. Et ils sont venus et ont offert des dons au Fils de Dieu. Et il a dit dans Matthieu 24, quand cette bonne nouvelle aura été prêchée à toutes les tribus, toutes les langues et toutes les nations, alors viendra la fin. Quand le Père était venu pour célébrer sa naissance, il nous a offert l'or, l'encens et la myrrhe pour la durée. Alors quand les enfants auront tous entendu le message de l'Évangile, eh bien, l'Évangile, comme on le croit généralement, et la parole de Dieu. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la semence qui produit l'évangile. Amen. Jésus a dit, yes, quand il se met sorti pour semer la semence. Et une partie de la semence tomba dans des endroits pieux. Et une autre partie tomba le long du chemin. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un terrain couvert de chardon. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et donna des fruits au centuple. Eh bien, la semence, vous ici qui êtes le fermier, chaque semence produira des fruits si elle est dans une bonne terre. Et chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible portera du fruit si elle est reçue dans un bon cœur. Cela produira la promesse. Si vous avez besoin du salut, croyez qu'il vous sauve et accepte sa mort sacrificatoire. Et recevrez ce que vous avez demandé. Si vous avez besoin de salut, recevez sa promesse. Reconnaissez, recevez ce sacrifice là, sa mort. Accompli en guise de sacrifice. Et vous aurez ce que vous demandez. Exactement le salut de l'âme. Si vous êtes fatigué et triste et que vous sentiez comme si tout le monde est contre vous, la promesse dit, Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Je vous donnerai des réponses. Voilà une semence. Recevez-la. Et si vous êtes malade, il était blessé pour ne pas chier. Et c'est par le premier plaisir que nous sommes guéris. Recevez cela. Il a pas le bonheur. C'est une semence qui produira. Et quand vous commencerez à compter les effets de toutes ces promesses, voilà l'évangile. Vous commencerez à témoigner de votre guérison. Vous entendez l'évangile? Mais vous nous glaner des résultats ce soir? Et c'est pour nous que je dis un peu comme. Ah, mais quelqu'un doit recevoir ça. Notre famille pensée. Vous ne pouvez pas sortir encore faible. Vous devez sortir plus fort que ça. Amen. Je vais te dire que tu m'as juste un bon mot. Je vais te dire que tu m'as fait ma tête pour le cas. Quand vous semez une semence, vous ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a germé. Amen. Si vous le faites, votre semence ne germera jamais. Vous devez la planter. Il l'a confié à la terre. Il l'a laissé tranquille. À la nature. C'est à Dieu de l'arroser et d'éveiller à ce qu'elle porte de fruits. Est-ce vrai? Quelle consolation pour nous les prédicateurs. Vous connaissez ce qui lui appartient. Nous nous époumonons. Nous allons persévérer. Nous allons la semence est prêchée. Mais les fruits doivent se multiplier dans ceux qui croient. Il ne m'appartient pas de venir chez vous à la maison. Commencez à vous livrer à des propages. Allez, récitez-moi 52 versets maintenant. Je vous ai aussi beaucoup prêché, frère, sœur. 52 versets que vous connaissez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pardonné mes péchés. Ah. Dès que vous baillez quelque bon, là, vous prédicateur, vous découragez madame. On ne va pas déterrer la semence pour voir si elle va germer. Non. Nous prêchons la parole. Visite, on va vous visiter. Pourquoi de la quatrième, vous l'aurez. De prière d'accompagnement, vous le recevrez. Mais en réalité, c'est à Dieu d'arroser. Et c'est à Dieu de veiller sur sa parole, comme il a dit, pour l'exécuter et l'accomplir. Même que moi je me confie à Dieu, j'ai besoin des gens qui se confient à Dieu. Si notre force jonction comme ça, les résultats seront meilleurs. L'évangile ne sera pas parole seulement, mais ce sera des fruits abondants. Le résultat édifiant. Et c'est l'affaire de Dieu. C'est donc ainsi que vous y allez avec la parole de Dieu. Recevez-la dans un bon cœur. Déjà fertilisé. Et donc, déjà été coté contre les plantes rampantes. Yo kaka motei, tangwa yebisio oyo bwaka. Kote skipete, oyo bwe, dima bwe. Landande sentinelle. Amen. Yenda kura kisom yonga. Hallelujah. C'est la voix de la sanctité. C'est l'ordre de Dieu. Dieu a déjà placé près de vous des sentinelles, écoutez leur voix. Soyez attentifs au son de la trompette. Vous recevez la parole dans un bon cœur. Et le cœur duquel ont déjà été ôtées toutes les plantes rampantes. Les sanglots rocaillés et pierreux. Les doutes. Et dans un bon et riche sol, c'est la foi. Et croyez-la. Confiez-la à Dieu. Et allez votre chemin. Témoignant que vous avez reçu ce que Dieu vous a promis. Continuez à avancer. Voyant Dieu se démontrer et se manifester. Et il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il confirme tout ce que vous avez confessé qu'il a accompli. Amen. Si tu peux lui faire confiance, hein? Mon cher ami, arrête les doutes et l'incrédulité. Voilà l'évangile. L'évangile ne consiste pas en paroles seulement. Pouvez-vous imaginer les gens en train de geler à mort? Et moi, je viens leur peindre l'image d'un feu. Et je vais regarder le feu qui brûle là-bas. Je leur demande, ne fait-il pas ça? Regardez ce gens qui se tiennent tout autour ici. Pas de dessin sur un tableau. Mais dans ce cas, nous prêchons, le feu est ici. Si tu veux te faire réchauffer immédiatement. Le feu qui est en nous, le feu doit opérer en vous. Que le feu divin. Et ça, ce n'est qu'une peinture de feu. Vous gèleriez malgré tout si vous devez regarder aux peintures. Ce qu'il faut, c'est que ce feu-là soit reproduit de nouveau. Pour que vous vous réchauffiez. Et l'évangile de cette époque-là est écrit dans la parole comme une histoire. Et comment il n'a pas la vie. On se prend de ce qui était. Et recevez la même semence. Ils ont reçu. Et elle sera une réalité vivante en vous. Et elle vous fera passer par la même expérience qu'ils ont eue. Vous dites, révérend Branham. Est-ce la vérité? Selon ce que disent les Écritures, le grand saint Paul a dit, l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Que je veux parmi nous ici. Vous aussi. Que nos cœurs finissent. Pour que la démonstration ne s'arrête pas au pasteur. Avec les deux témoignages, j'ai lu au courant de cette veillée. Que Dieu n'est pas Dieu que de près. Les mêmes résultats. Sachez-le, et Dieu est fidèle et il est bon. La distance ne t'égare pas, ne t'efface pas, oublier ta maison. Oh, ayez foi en Dieu. Et quand je suis donné à l'église la commission d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, malgré ça, s'il est écrit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous pouvons le faire maintenant. Amen. Vous êtes prêts à chasser encore les démons? Ou vous pensez que l'heure est dépassée? C'est Marc 16, hein? Amen. Quelle heure est-il l'église? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils prennent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cinq signes miraculeux qu'ils sont contenus dans notre évangile écrit dans la parole écrite de Dieu. Et nous pouvons revendiquer maintenant. Amen. Est-ce que vous vous sentez capable? Amen. Qui sent qu'il peut imposer les mains aux malades maintenant et les malades guérira? Ce qui se sentent prêts. Ils ne veulent pas appliquer Marc 16 et 17. Hein? C'est ce qu'a dit ça. On a dit ceux qui sont prêts. Donc, ils peuvent imposer les mains aux malades. Les malades. Ils sont ici, tous les gens à l'Assemblée. Nous avons prêché l'évangile. Et l'évangile ne consiste pas en paroles seulement. Mais c'est en démonstration de la puissance. Je vous dis, ça ne doit pas s'arrêter au pasteur seulement. Il y a la foi et l'intransmissible. Et nous devons nous tenir comme un corps de croyants. Face à un ennemi commun. Ils sont malades parmi vous. Ceux qui ont des maladies. Soyons honnêtes. Hein? Je ne vous pousse pas. Levez-vous. Les malades. Levez-vous. Quelle que soit votre maladie. Alors, nous allons expérimenter quelque chose ici ce matin. Vos frères ici vont vous imposer les mains. Amen. Vous qui êtes debout, vous viendrez à tour de rôle. À tour de rôle. Sœur Jeanne, vous pouvez encore attendre un moment. Vous viendrez à tour de rôle. Vos frères vont vous imposer les mains et nous voulons les résultats et les témoignages. Amen. Si vous attendez les mains du pasteur, les mains du pasteur vont passer dans tes frères aujourd'hui. Amen. Je me tiendrai ici, mais je suis avec eux. Êtes-vous là? Alors, quel que soit votre problème, c'est le temps d'exercer votre foi. Venez, ils vont vous imposer les mains. C'est le mot de prière. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont prêts à le faire. Ils ne sont pas si spéciaux. Ce sont les gens de la même nature que vous. Nous connaissons ici dans la maison de Dieu. Mais nous devons nous faire confiance et laisser les autres. Le gouvernement m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas si vous n'arrivez pas à vous faire confiance les uns les autres dans l'église. Et parmi les choses difficiles que Dieu rencontre au public, d'amener un mortel à croire à un autre mortel comme lui. Alors, vos frères et sœurs qui sont ici vont imposer les mains. Alors, nous allons appeler à la fois un frère et une sœur. Vous venez, le frère va du côté de frère, la sœur va du côté de sœur. Les sœurs vont imposer les mains. Et prier. Et en espoir, dans ces What a good thing. Abandonne

L'amour chrétien est une réalité. Ta puissance est d'actualité. Ton esprit agit encore. Et mon cœur est toi. Merci pour toutes choses. Tes enfants, nous avons. Nous venons d'imposer les mains aux malades. Et tu as dit que les malades seront guéris. Nous réclamons la guérison de Jésus-Christ. N'oublie aucun d'eux. N'oublie, Seigneur, aucun des malades. Fais grâce à chacun d'eux. Fais grâce, exauce nos prières. Les mains qui t'ont représenté soient demain bénies. Reçois tes faveurs. Et ton soutien. Conduis-nous pas à pas dans le puissant nom de Jésus-Christ pour passer le droit. Amen. Amen. Oh, bien aimé, vous regagnez vos places. On se met debout maintenant. Après avoir écouté la prédication, ce message de nouvel an, l'église de Dieu, quelle heure est-il? La réponse que vous avez dans la Bible, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Et nous avons dans la Bible, chaque minute doit être utilisée pour le Seigneur. À son service et pour son gloire. Dieu veut la conversion. Dieu veut la réparation des péchés. Dieu veut que nos vies soient en ordre. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier en accord avec la prédication que nous avons entendue. Au courant de cette année, la flamme de réveil de son message sera toujours allumée. Dans nos cœurs, dans nos maisons, cette flamme de réveil de son message soit toujours allumée. Et nous soyons de vrais représentants du réveil de notre temps et de la vie exemplaire. Prions chaque matin. Amen. Merveilleux. reçois nos prières. En accord avec cette question que nous nous sommes posée cette nuit. Église de Dieu, quelle est-il dans la prophétie? Quand nous voyons la comparaison entre le temps de ta première venue et ce qui se passe maintenant, le parallèle parfait, nos cœurs tremblent devant toi. Non pas que tu sois incapable de sauver, mais nous croyons que tu es le sauveur. Mais nous te confions nos vies au sein d'une génération perverse et d'un monde religieux éloigné de Dieu. Visite tes enfants. Distingue-les au nom de Jésus. Donne-nous le discernement qu'avait les marches. La vision spirituelle qu'avait ses éludés. Pour voir les signes spirituels. La colonne de feu. La discerner et la suivre. Et vouloir ressembler à Jésus-Christ. Donne à chacun la repentance. Donne à chacun la conversion. Le baptême du Saint-Esprit, nous sommes témoins que tu le donnes à nous. La nouvelle naissance est une réalité. Nous sommes témoins que tu la donnes à nous. Ensemble, cette réclamation. Et fais-nous droit. Fais-nous justice. Distingue notre droit. Honore cette foi, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos transgressions. Efface nos culpabilités. Que dans le sang de Jésus, nous soyons accueillis. Au nom de Jésus-Christ, nous te croyons pour la partie finale de cette fête. Aide-nous vraiment à terminer tout ce qui reste assez rapidement dans le temps et que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme je dis, il faut arrêter de dire ceci, mais le temps, vraiment, c'est compliqué. Ah, voilà.